Chapitre 2. Le paysage d'East Anglia. Trait de ressemblance avec la Bretagne. Meckles. Le King's Head Hotel. Date probable de l'arrivée de Chateaubriand en Suffolk. Sa visite au rectory. Bens Sparrow, recteur de Beccles. Laconisme de l'auteur des mémoires sur son séjour à Beccles. Raison improbable qu'il donne de sa venue en Suffolk. Beccles n'était pas en effet sur le parcours direct des messageries royales qui le laissaient à 1 mile environ dans l'est, de sorte que pour l'atteindre, il fallait subir le désagrément de changer de voiture. De nos jours, le WVR, entendez Waveney Valley Railway, vous y transporte le plus commodément du monde et sans trop de hâte néanmoins, vous permettant ainsi de suivre le déroulement des paysages à mesure qu'ils se déplacent devant vos yeux. Plus ces paysages se succèdent au reste, plus ils se ressemblent et plus aussi vous constatez qu'ils ressemblent à la partie de la marche bretonne qui s'étend de Rennes à Dole ou de Rennes à Dinan. Chateaubriand n'a pas été sans relever cette parenté d'aspect entre la terre de son adolescence et celle de son exil. L'Angleterre ressemble assez au premier coup d'œil à la Bretagne. Des bruyères et des champs entourés d'arbres. Que de fois sa nostalgie dut s'aviver plus cuisante à ce rappel incessant de l'horizon natal. Le Suffolk est une des très rares contrées britanniques dont les rivières se voilent à demi, comme les nôtres, d'un clair rideau de peupliers. Une des contrées plus rares encore dans cette patrie de l'arbre citoyen, de l'arbre roi, où les talus des prés exhibent de ces tronçons de chênes infirmes, étêtés, raccourcis, mutilés par l'émondage, qui donnent à nos campagnes de l'Ouest leur caractère le plus saisissant. En tout cas, elle était bien bretonne, quoique d'un rien plus froide et plus septentrional peut-être, la fine lumière argentée qui baignait les vieilles maisons de Beccles lorsque nous y descendîmes du train dans la matinée du jeudi 21 novembre. En 1796, à l'époque où Chateaubriand la quitta pour rentrer à Londres, la ville comptait 2440 habitants. La population a plus que doublé dans l'intervalle et de nouveaux quartiers ont été construits, mais en prolongement des quartiers primitifs, demeurés intacts. Sitôt gravit la rue, fort avenante, qui, de la gare, monte en pente douce vers la place, on est au cœur même de l'ancien Beccles. Voici sur la droite le campanile isolé de Saint-Michel, à la fois clocher d'église et beffroi municipal, écrasant de sa haute masse carrée la frêle bâtisse en forme d'hexagone qui, après avoir servi de salle du conseil jusqu'en 1875, abrite maintenant la bibliothèque. À gauche, voici le marché neuf, analogue au martrais des petites sous-préfectures de Bretagne, bordé comme eux de pignons pointus et d'étages en encorbellement. Pour un peu, vous vous croiriez à Dinan ou à Lannion. De-ci, de-là, pendent à des potences en fer de nobles enseignes d'hôtellerie, d'aucunes agrémentées de leurs armes parlantes, Falcon Yan, la taverne du Faucon, King's Head Hotel, l'hôtel de la tête du roi. L'hôtel de la tête du roi, une tradition constante veut que ce soit là l'auberge mentionnée dans les mémoires qui reçut Chateaubriand à son débarqué. Basse et trapue, avec sa large porte cintrée et le boyau de sa cour en profondeur, où jadis s'engouffrait le stagecoach, tel l'émigré breton l'a connu, tel on la voit toujours au coin du marché neuf dont elle forme un des angles méridionaux. D'extérieur, du moins, elle n'a pas changé, sauf que ses murs de briques rouges ont peut-être noirci. Il va sans dire que nos pas s'y acheminent d'eux-mêmes. Elle n'eût pas été prônée par les guides de l'endroit, comme The Chief Hotel in the Town, que nous l'aurions encore choisi de préférence à tout autre gîte. Quand nous y pénétrons pour prendre le lunch et retenir nos chambres, le premier objet qui s'offre à notre vue, sous le porche, est un ancien chapiteau d'église. Disposé à terre en guise de montoir pour les cavaliers et dont on s'étonnerait que les monographies locales fissent état si l'on ne savait la superstition souvent puérile qui s'attache en Angleterre aux vestiges les plus insignifiants du passé. Peut-être Chateaubriand songeait-il à ce débris d'architecture pieusement encastré dans le pavé du King's Head lorsqu'il faisait admirer par le duc de Berry le génie conservateur d'un peuple qui ne laisse rien périr, qui remet à neuf ses vieux monuments et rétablit avec soin jusqu'à la pierre tombée d'une ruine. Une servante plantureuse de la belle et robuste race d'Est Anglie nous introduit dans la salle à manger réservée à la catégorie des hôtes qui ne sont pas des voyageurs de commerce. L'exiguïté de la pièce atteste suffisamment qu'ils ne doivent jamais être fort nombreux. Pour ameublement, une console, une table et quelques sièges en vieil acajou recouverts de cuir noir. De chaque côté de la cheminée où brûle un feu de charbon, deux fauteuils bergères propices à la digestion des copieuses nourritures d'océan, aux parois, quatre ou cinq peintures encrassées, à sujet rococo, dames et seigneurs voguant sur un lac, escortés par des cygnes. Au-dessus de la porte, dans une caisse de verre, un monstrueux brochet empaillé, tout cela contemporain, je présume, de l'hôtel lui-même, qui, d'après mes amis Costling, date pour le moins du siècle de la reine Anne. Et donc c'est ici le logis où, sous le nom de Monsieur de Combourg, Chateaubriand inaugura sa vie de Beccles. Fût-ce à la fin de 1794 ou dans les débuts de 1795, Monsieur Baldensperger, qui a fait une étude spéciale de l'émigration française à Londres, opine pour le printemps de 1795, avril ou mai sans doute, m'écrit-il. Mais d'autre part, je lis dans les mémoires d'outre-tombe les malheurs de ma famille que j'appris par les journaux et qui me firent connaître sous mon véritable nom, car je ne pus cacher ma douleur, augmentèrent à mon égard l'intérêt de la société. Les feuilles publiques annoncèrent la mort de M. de Malesherbes, celle de sa fille, Mme la présidente de Rosambeau, celle de sa petite-fille, Mme la comtesse de Chateaubriand, et celle de son petit gendre, le comte de Chateaubriand, mon frère, immolés ensemble, le même jour, à la même heure, au même échafaud. M. de Malesherbes était l'objet de l'admiration et de la vénération des Anglais. Mon alliance de famille avec le défenseur de Louis XVI ajouta à la bienveillance de mes hôtes. Comme ces lignes se rapportent au séjour de Beccles, il faut nécessairement admettre que Chateaubriand se trouvait depuis quelque temps déjà dans le pays, lorsque l'on y connut, à 10 ou 15 jours peut-être de l'événement, la mort de M. de Malesherbes, survenue le 22 avril 1794. Ce ne serait donc pas le printemps de 1795, comme le veut M. Baldensperger, mais bien plutôt celui de 1794 qui le vit arriver en Suffolk. Est-il même sûr que l'on fût au printemps? Rappelons-nous le froid horrible qu'il faisait dans le garret de Marylebone, lorsque Pelletier y grimpa pour signaler au gentilhomme nécessiteux la place dont il avait déniché l'annonce dans un journal de Yarmouth. N'est-ce pas à dire que l'hiver sévissait encore dans toute sa rigueur? Et Chateaubriand se fut-il donné jusqu'à 2 ou 3 semaines de réflexion? N'y a-t-il pas lieu de prétendre que dès le mois de février au plus tard, il était à Beccles? Et maintenant, suivons-le d'aussi près que possible dans ses démarches. De King's Head, il commence, nous dit-il, par se rendre chez le ministre du lieu. Quel était ce ministre que les mémoires négligent ou dédaignent de nommer? Les antiquités du comté de Suffolk nous apprennent qu'il s'appelait Bens Sparrow. Le chef spirituel d'une paroisse anglaise est déjà, de par sa fonction, un personnage. Le révérend Bens Sparrow, des Sparrow de Worlingham, avait en outre pour lui d'appartenir à une famille ancienne, riche, honorée, dont un membre avait été au début du siècle évêque d'Exeter, puis de Norwich, la métropole du Norfolk. Recteur de Beccles, depuis 1774, il habitait à ce titre le rectory, une grande et confortable résidence située un peu hors ville, sur la route de Bungay, d'où elle domine toujours l'harmonieuse perspective de la vallée, le glissement souple de la rivière et l'ondulation vaporeuse des coteaux lointains. Telle fut donc la maison vers laquelle se dirigea l'émigré, tout moulu encore des 109 000 qu'il venait de parcourir en stagecoach. Qu'allait-il faire chez le recteur? Il allait, nous dit-il, lui présenter une lettre d'introduction de Deboff, son éditeur de Londres, laquelle lettre le recommandait comme un savant du premier ordre. Quant au résultat de l'entrevue, il ne juge pas à propos de nous en faire part, il se borne à constater qu'il fut parfaitement accueilli. Au surplus, le séjour de Beccles est expédié en quelques lignes. Je vis tous les gentlemen du canton et je rencontrai 2 officiers de notre marine royale qui donnaient des leçons de français dans le voisinage. Je repris des forces, les courses que je faisais à cheval me rendirent un peu de santé. Monsieur de Combourg était invité à toutes les parties, je dus à l'étude le premier adoucissement de mon sort. Cicéron avait raison de recommander le commerce des lettres dans les chagrins de la vie. Les femmes étaient charmées de rencontrer un Français pour parler français. Et c'est tout. Des manuscrits de la collection Camden qu'il s'agissait de déchiffrer, plus un mot. Serait-ce que l'entreprise annoncée par le journal de Yarmouth n'avait pas marché ? Le plus probable, c'est qu'à aucun moment il n'avait été question de la mettre sur pied. Et le certain, c'est qu'il faut reléguer au rang des mythes l'existence d'une société d'antiquaires fondée pour travailler à une histoire du Suffolk et qui aurait eu le recteur de Beccles à sa tête. La tablette funéraire consacrée à la mémoire de Ben Sparrow, dans l'église qu'il desservit pendant 49 ans, le loue d'avoir été « a faithful teacher of God's word, both by his life and doctrine ». Un fervent apôtre de la parole de Dieu, tant par sa vie que par sa prédication. Il est avéré qu'il fut par surcroît un esprit des plus cultivés et un parfait homme du monde. Mais de nombreux papiers, notes, correspondances, journal intime qu'il a laissés et que sa petite-fille, Mrs. Ida Benz Lambert, a bien voulu consulter pour moi, il n'en est pas un qui renferme la moindre allusion à cette prétendue histoire de Suffolk pour laquelle il aurait eu recours aux lumières, d'ailleurs problématiques, du jeune émigré. D'où il ressort, ce me semble, que l'explication donnée par Chateaubriand de sa visite chez le recteur de Beccles ne saurait être la vraie, et c'est donc qu'il convient d'en chercher une autre. Chapitre 3. Les dossiers de Wilton Riggs. Une lettre en anglais de Chateaubriand. Révélation qu'elle contient. Chateaubriand, professeur de français. Le cousin Ferron. L'école privée de M. Brightley et la Fauconberge School. Comment Chateaubriand put être mis en rapport avec M. Brightley et pourquoi sa visite au recteur de Beccles. Pour la découvrir, nous nous adressons à un historien de Beccles, authentique celui-ci, mais qui ne devait naître qu'une trentaine d'années plus tard. Je veux parler de Samuel Wilton Riggs. Ce bénédictin anglican dévoua la meilleure partie de ses loisirs d'avocat à rassembler de tous côtés et de toutes mains une véritable somme de documents, tant imprimés que manuscrits, sur les hommes et les événements qui avaient le plus marqué dans la chronique de son pays, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à son temps. La mort le prit avant qu'il eût achevé de mettre en œuvre les matériaux si laborieusement amassés, et ces matériaux eux-mêmes se fussent probablement dispersés au hasard des enchères sans la générosité de M. Aldis White, professeur à l'université de Cambridge, qui, natif de Beccles, s'empressa de les acheter en bloc pour en faire don à ses concitoyens. Ils sont aujourd'hui déposés dans la chambre du conseil de ville, où j'ai pu les compulser avec fruit grâce à l'obligeance du secrétaire de mairie, M. Angel, et aux judicieuses indications d'un autre habitant de Beccles, M. Saunce, l'homme le mieux placé, comme on le verra ultérieurement, pour savoir de quelle besogne vécut ici l'émigré. Feuilletons le dossier que Wilton Riggs a réuni sur Chateaubriand. Il y a un peu de tout dans ce dossier. On y trouve successivement un portrait du grand écrivain dessiné par Deveriant et gravé par A. Johanneau. Une copie, évidemment, de la main d'une femme, de la partie des Mémoires d'outre-tombe qui traite du séjour de l'émigré en Suffolk. Une lettre autographe de Chateaubriand, datée de Paris le 21 mai 1811, qui ne porte ni l'adresse ni le nom du destinataire. Nous la reproduisons uniquement à titre de curiosité. « Monsieur, presque étranger à la lecture des journaux, j'ai le malheur de n'avoir point vu les morceaux de votre poème de Joseph dans le Mercure et dans le Moniteur. Je ne doute point que vos vers ne soient dignes du beau sujet que vous avez choisi, et vous m'honorez beaucoup en prenant dans mes ouvrages tout ce qui peut convenir aux notes de votre poème. Je vous remercie infiniment des éloges que vous voulez bien me donner et que je dois sans doute à votre indulgence. Je vous prie d'agréer l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur de Chateaubriand. » J'ignore comment cette lettre est venue s'égarer à Beccles. Si elle n'a rien à nous apprendre sur le sujet qui nous occupe, en voici une, par contre, dont on ne pourra pas en dire autant. Elle n'est pas autographe, mais la transcription en fut faite pour Wilton Riggs, par la personne même à qui elle était adressée. Greville Street, Holborn, numéro 15, London, 16, Banwari, 1797, Dear sir, you could not fancy how many times I reproached myself, etc. Cher monsieur, vous ne sauriez vous imaginer combien de fois je me suis fait reproche de ne vous point écrire, mais si vous saviez à quel point je suis enfoui dans l'ouvrage que je fais imprimer en ce moment, courant de libraires en libraires, maudissant mille gens qui me viennent voir, vous m'excuseriez certainement et me plaindriez. Le gentleman qui vous remettra cette lettre est un cousin à moi qui s'appelle M. Ferron. Il est allé à Beckles occuper ma place. Si vous étiez assez aimable pour l'aider en bien des petites choses dans lesquelles il peut être étranger, vous m'obligerez fort. Je dois bientôt rentrer moi-même parmi vous. Je suis présentement très malade, mais comme je cesse toute espèce d'enseignement, je serai une fois de retour à Beckles à même de suivre un traitement régulier, et je n'abandonne pas l'espoir que l'été prochain vous ne fassiez de moi un des hommes les plus forts d'Angleterre. Excusez mon jargon français, et recevez l'assurance de toute la gratitude avec laquelle je demeure, cher monsieur, votre véritable et humble et obéissant serviteur, Chateaubriand. Mon cousin loge dans un appartement, maison Butcher. L'adresse donnée en tête de la lettre était celle de l'imprimerie Baylis. On remarquera que le transcripteur a respecté jusqu'aux fautes d'orthographe. Par là, ce texte nous fournit un spécimen typique de la manière dont Chateaubriand pratiquait la langue anglaise vers le temps de la publication de l'essai. « J'écrivais en anglais, déclare-t-il dans une page des mémoires, relative précisément à cette époque, et mes idées commençaient à se former en anglais dans ma tête. » Sa lettre au docteur Davet prouve en effet, si j'en crois l'appréciation de personnes compétentes, qu'en dépit de quelques solécismes, il ne s'exprimait pas trop mal pour un étranger. Mais ce n'est point en cela que réside l'intérêt capital de ce document. Relisons-le. Nos yeux tombent sur ce court membre de phrase « But as I give up all sort of teaching ». Voilà qui n'a l'air de rien et qui est pourtant à soi seul toute une révélation. Comment Chateaubriand avise un médecin de Beckles qu'il renonce de façon définitive à l'enseignement, mais à ce compte, c'est donc que jusqu'alors il avait enseigné. C'est donc qu'à l'instar des compagnons d'exil dont il se gaussait si agréablement, ce tantôt, il a donné des leçons de français, lui aussi, avec cette différence, j'entends bien, qu'il était plus qualifié que n'importe lequel d'entre eux pour cette tâche. Pourquoi s'en est-il si jalousement tu? Et, quand il nous parlait, il n'y a qu'un instant, des deux officiers de la marine royale qu'il avait rencontrés à Beckles, courant le cachet, pourquoi n'a-t-il pas profité de l'occasion pour nous informer qu'il y était venu gagner bravement sa vie par le même moyen? Pourquoi, surtout, s'est-il appliqué à nous donner le change? À quel sentiment obéissait-il? Lui-même nous éclaircira peut-être ce point un peu plus tard. De la lettre au docteur Davet, il appert. Premièrement, qu'à Beckles, Chateaubriand enseignait. Deuxièmement, que cet enseignement devait constituer pour lui une fonction régulière, puisque, en s'éloignant du Suffolk pour rentrer à Londres, il envoie son cousin Ferron occuper sa place. Quel était ce cousin Ferron? Il est question dans les mémoires d'un Ferron de la Cigognière que l'auteur avait eu pour condisciple au collège de Dinan et qu'il eut ensuite pour compagnon de tante à l'armée de Condé. Ce Ferron lui avait rendu quelques services. Entre Verdun et Longwy, il l'avait arraché malgré lui d'une terre labourée, où il avait décidé d'attendre la mort, enlisé qu'il était déjà jusqu'aux genoux dans la glèbe molle. Puis le jour où, à bout de force, il s'était trouvé hors d'état de continuer la campagne, le même Ferron lui avait prêté 18 livres tournois pour lui permettre de se traîner vers le port d'embarquement le plus proche. Serait-ce là le Ferron dont il s'agit? Et Chateaubriand lui aurait-il, pour la circonstance, décerné le titre de cousin afin de lui concilier plus sûrement les bonnes grâces du docteur Davet? Il n'est pas impossible. Mais d'autre part, les listes d'émigrés pour l'Ille-et-Vilaine mentionnent 4 Ferrons ou Ferrons de Zer, du Quingo, qui eux étaient de la parenté réelle de Chateaubriand, ses cousins à la mode de Bretagne. Je pense que nous avons affaire ici à l'un d'eux. Célestin Jean-Baptiste Placide, comte de Ferron du Quingo, qui avait été le collègue du frère aîné de Chateaubriand, au Parlement de Bretagne, avait épousé une Malouine, Françoise Nouailles, de la ville Gilles, et dès le commencement de la Révolution avait émigré en Angleterre. Son acte de mariage, daté du 6 mai 1788, lui donne 31 ans. Il était par conséquent d'une dizaine d'années plus âgé que le cousin dont il héritait la place à Beckles. Essayons de déterminer en quoi consistait cette place, et voici ce qu'on peut déjà lire dans un guide de la région. Laissant la poste sur notre droite, nous entrons dans Selgate Street. La seconde maison à gauche est celle où habita Chateaubriand, l'éminent français, pendant le temps qu'il fut employé comme professeur de français dans une école privée de la ville. While engaged as teacher of French at a private school in the town. C'est assez pour nous mettre sur la voie. Wilton Rix achèvera peut-être de nous conduire au but. En 1794, Beckles possédait, selon lui, dans Blyburgate Street, deux établissements d'instruction assez importants qui se faisaient face de part et d'autre de la rue. L'un, le plus ancien, était installé dans une longue maison à toiture de chaume composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage en encorbellement que l'on signale encore aux touristes comme une des curiosités de la ville. C'était une institution privée, private school, on l'appelait du nom de son directeur, qui était pour lors M. Brightley, la Brightley School. L'autre était une grammar school, une école secondaire, comme nous dirions, distribuant la culture classique. Elle devait sa fondation aux libéralités du docteur Henry Fauconberge, chancelier du diocèse de Saint-Azof, mort le 23 octobre 1713 et enterré dans l'église paroissiale de Beckles. Aussi la désigna-t-on dès l'origine sous le nom de « The Fauconberge School » qu'elle a conservée. Le master, le proviseur, n'en pouvait être, au terme des statuts, qu'un membre de l'église anglicane. Dans les 10 ou 15 dernières années du XVIIIe siècle, ce master était le révérend John Long Girdlestone. Bien que rivales, les deux écoles vivaient en fort bonne intelligence et même fraternisaient en quelque mesure. Par exemple, elles s'arrangeaient pour que leurs élèves respectifs puissent suivre dans l'une les cours qui n'étaient pas représentés dans l'autre. Avant 1794, le français ne figurait dans le programme d'aucune d'elles. Mais vers le début de cette année, le bruit se répandit à Beckles que la Brightley School allait avoir un maître de français. Ce teacher de renfort, c'était, pour parler comme Wilton Rix, M. Chateaubriand, qui depuis s'est distingué dans la politique et dans la littérature. Ainsi donc, ce fut pour faire œuvre de professeur et non de chartiste que le gentilhomme exilé quitta Londres. C'est là, je pense, chose acquise, et dont il siéra de tenir compte non seulement dans l'histoire de sa destinée, mais encore dans celle de son génie, si cependant enseigner le français peut être de quelque efficacité pour apprendre à l'écrire. J'ai dit que la Brightley School et la Fauconberge School faisaient volontiers échange de bons procédés. Attaché en titre à la première, Chateaubriand ne laissa pas d'instruire aussi les élèves de la seconde. Wilton Rix nous montre les pupils de M. Girdlestone traversant par fil la chaussée de Blyburgate Street pour aller sous le toit de chaume de l'école concurrente assister aux leçons du nouveau professeur. Mais comment ce nouveau professeur se trouvait-il là? À quel hasard devait-il d'avoir obtenu cette place chez M. Brightley? Par quel intermédiaire avait-il été mis en rapport avec l'obscur directeur d'une minuscule pension de province ensevelie à 50 lieues de Londres? Ici, l'érudition de Wilton Rix nous laisse à court et nous en sommes réduits aux conjectures. Il se pourrait que M. Brightley, préoccupé de rehausser le lustre de son école, eût songé par le moyen d'une annonce insérée dans un journal de Yarmouth ou d'ailleurs à s'assurer la collaboration d'un des nombreux réfugiés qui battaient alors le pavé des villes anglaises en quête d'un gagne-pain. Cette hypothèse aurait pour elle de concorder au moins à quelques degrés avec la version des mémoires. Une autre solution du problème serait la suivante. En sa qualité de chef d'institution, M. Brightley entretenait nécessairement de fréquentes relations d'affaires avec les éditeurs londoniens, partant avec De Boff, si estimé dans la librairie anglaise, au témoignage de Chateaubriand. Mais, à cette date de 1794, il y avait pour lui un intérêt majeur et tout personnel à multiplier ses relations et à les resserrer. Il s'apprêtait, en effet, à se retirer de l'enseignement. Et dans quelle vue? Pour créer à Bungay une maison d'imprimerie qui, aujourd'hui encore, est une des plus achalandées de l'Angleterre. Alors, voici par exemple comment les choses ont pu se passer. M. Brightley et cria de bof. C'est décidé, je me fais imprimeur, et j'espère qu'à l'occasion, vous voudrez bien me favoriser de vos ordres. Comptez sur moi, répond de bof. Mais à ce propos, j'ai ici un de mes compatriotes, jeune homme de belle naissance et de grand talent, malheureusement dénué de toute ressource, à moitié mort de misère et ne pouvant, faute d'un régime plus substantiel, mener à terme un remarquable ouvrage que j'ai promis d'éditer. Rendez-moi donc le service de lui trouver dans votre école, pendant que vous en êtes encore le directeur, quelques leçons de français qui lui garantissent le vivre et le couvert. À quoi M. Bracler réplique « Je résigne mes fonctions à Noël, envoyez-moi le plus tôt possible votre jeune homme, je lui ferai faire chez moi une classe de français, à laquelle viendront certainement se joindre les élèves de la Fauconberg School. Si, comme il est probable, vous êtes en situation de recommander M. de Combourg au révérend Benz Sparrow. » Pourquoi Benz Sparrow? C'est que, si ce personnage ne présidait aucune société d'antiquaires travaillant à déchiffrer les papiers de Camden, il avait en revanche la haute main sur la Fauconberg School, dont le titulaire, d'après les statuts, était à la nomination de trois patrons, à savoir l'évêque de Norwich, l'archidoyen du Suffolk et le recteur de Beccles. Voilà qui explique suffisamment, si je ne m'abuse, que la première visite de M. de Combourg ait été pour celui que les mémoires appellent le ministre du lieu. Examinons maintenant, si possible, quelle fut l'attitude du recteur de Beccles à l'égard de l'émigré.